le chant et la prière dans l'Occident médiéval. Aujourd'hui, l'école de Notre-Dame. Au XIIe siècle, l'invention musicale n'est pas seulement l'apanage des monastères, comme sitôt où les moines réforment le grégorien pour plus de pureté et plus de rigueur, ou Rupertsberg près de Bingen, où Hildegard compose ses pièces pour ses bénédictines. Dans les villes, le haut lieu liturgique, c'est la cathédrale, à Paris en particulier. Paris qui, au milieu du XIIe siècle, connaît un rayonnement extraordinaire. C'est le point de mire du monde civilisé, avec une effervescence qui se manifeste dans tous les domaines. La ville s'agrandit, elle déborde de la cité pour intégrer les bourgs de la rive droite et ceux de la rive gauche, les lieux d'enseignement prolifèrent et les chantiers d'églises et de cathédrales se multiplient. La musique n'est pas en reste, au contraire, avec la fameuse école dite de Notre-Dame. L'école de Notre-Dame, c'est l'épanouissement de la polyphonie, mais c'est aussi une extraordinaire avancée dans la notation, comme nous l'explique Marcel Pérez, le directeur musical de l'ensemble Organum. D'après ce que nous connaissons, parce que malheureusement, pour nous représenter ces époques passées, nous n'avons que les documents. Et les documents, ils n'ont pas tous été conservés. D'après ce que nous avons entre les mains, eh bien, la première innovation, c'est la notation. Parce que à Paris, au cours du XIIe siècle, il y a un gros effort pour essayer de noter la musique et particulièrement les durées musicales. Au XIIe siècle, on maîtrise la notation des échelles. C'est un mouvement qui lui est parti du XIe siècle. Donc ça veut dire maîtriser les échelles. Bien, c'est tout simplement pouvoir dire quand on chante une chanson, c'est do, ré, mi, fa, sol, quoi. C'est quelque chose qui nous semble très simple actuellement, mais il a quand même fallu attendre le début du XIe siècle pour que l'on maîtrise cette description des échelles musicales. Alors, on a eu quand même beaucoup de mal à aller plus loin dans cette description de l'échelle. Mais quand même, au XIIe siècle, et ensuite au XIIIe siècle, on aura certains théoriciens qui feront la différence entre le ton majeur, le ton mineur, le demi-ton majeur et le demi-ton mineur. Et ensuite, s'est posé le problème de la notation des durées musicales. Là aussi, c'est une chose qui nous paraît tout à fait banale aujourd'hui, parce qu'on a l'habitude, on a tous des montres, on a des agendas. Mais à l'époque, l'idée d'avoir une valeur étalon pour mesurer le temps n'existait pas. Il va falloir attendre le XIIIe siècle pour que cette idée surgisse. Et là aussi, le temps était complètement lié à l'expérience. On n'imaginait pas le temps hors de la vie, le temps comme une entité abstraite, arithmétique. Et donc, il a fallu beaucoup de temps, et là, il faudra le troisième tiers du XIIIe siècle pour que on propose des systèmes de notation musicale qui soient cohérents pour noter ces durées musicales. Tout ce travail, eh bien, se fait à Paris, autour de cette cathédrale qu'on est en train de construire. Notre actuelle cathédrale de Paris. Voilà. Pour voir comment les choses se mettent en place, il est important de savoir que cette cathédrale, ben, on commence à la construire dès la fin du XIIe siècle, mais l'ancienne cathédrale, la cathédrale Saint-Étienne, était toujours en usage. Elle était ben, sur le parvis de Notre-Dame. Maintenant, on peut en voir un bout avec les travaux qui ont été faits ces dernières années. Sous le parvis, on peut visiter des petits bouts de ce Paris ancien. Les cathédrales sont des endroits profondément traditionnels, contrairement aux monastères. Parce que les monastères, à des époques régulières, vous pouvez avoir des réformateurs qui arrivent, parce que les moines sont toujours des gens qui veulent aller au bout des choses, ce sont des extrémistes, les moines. Alors, il arrive toujours un jeune qui arrive et qui dit « Ah, mais c'est pas possible, ça, mais c'est pas la vraie chose. » Et alors, vous avez tout le temps, au cours des siècles, des réformes. Et puis, les moines ont aussi souvent des velléités d'hégémonisme, s'ils veulent créer une filiale ou mettre la main sur un autre monastère. Dans les cathédrales, c'est autre chose, parce que dans les cathédrales, on a une tradition, on la conserve, et c'est ce qui crée la spécificité du lieu. Les cathédrales n'ont pas de velléité d'hégémonisme parce qu'elles ont déjà un pouvoir. Une cathédrale, c'est une entreprise énorme, hein. Les grandes cathédrales au XIIIe, au XIVe siècle, avec 6 à 800 personnes qui travaillaient pour la cathédrale, des clercs, une cathédrale comme Notre-Dame devait avoir 700 personnes au XIIIe siècle. Donc, faut voir, ce sont de véritables ruches. Et la cathédrale, c'est un ensemble cathédral. Maintenant, on voit que la cathédrale, mais il y avait d'autres églises autour qui faisaient partie de l'enclos cathédral. C'est un monde qui vivait complètement en autarcie, avec naturellement des propriétés très abondantes qui leur permettaient de subvenir aux besoins d'une communauté aussi grande. Et puis, ne serait-ce que la construction. Il faut bien quand même une cathédrale. Et c'est un édifice qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus luxueux que même le palais d'un roi. Mais les rois n'ont pas des palais aussi grands que les cathédrales. La plupart des pièces musicales de l'école de Notre-Dame sont destinées à embellir les grandes fêtes de l'année liturgique. Elles portent à la prière. La musique remplit l'église de ses mélismes, exactement comme les vitraux la baignent de lumière. Le Propter Veritatem que nous écoutons est une méditation sur les Écritures saintes. On le chante juste après la lecture. Le texte est le suivant. À cause de ta droiture, de ta mansuétude et de ta justice, il te conduit miraculeusement par la main. Écoute, fille d'Israël, vois et tends l'oreille, car le roi convoita ta beauté. Amen. Marcel Pérez, quand on parle de l'école de Notre-Dame, on évoque en général deux compositeurs, Léonin, à qui est attribuée la pièce que nous venons d'entendre, et Perrotin. Que sait-on d'eux exactement ? Très peu de choses. Craig Wright, qui a passé un certain nombre d'années de sa vie à pister ces deux personnages, a trouvé quelques pièces d'archives notariées de Léonin. Donc ça prouve qu'il avait des maisons, qu'il en a vendues, qu'il a eu des procès, qu'il était poète. Mais je veux dire qu'on n'en sait pas plus. Ces deux personnages sont mentionnés au XIIIe siècle par un auteur anonyme anglais qu'on appelle l'anonyme 4. Donc l'anonyme 4 nous dit qu'il y a eu deux grands maîtres, Léonin, qui a composé des organas très développés pour l'église de la Vierge Marie de Paris, donc la cathédrale. Et puis qu'après est venu Perrotin, qui a résumé quelques-unes de ses œuvres et qui a composé d'autres choses à trois et quatre voix. Alors, c'est tout ce qu'on a. Donc, ce témoignage postérieur d'un siècle. Perrotin, Beata Viscera. Ce que nous savons de l'école de Notre-Dame, Marcel Pérez, nous le savons essentiellement grâce à deux sources, les écrits de l'anonyme 4, mais aussi un manuscrit conservé à Florence. Que nous donne-t-il ? Ce manuscrit de Florence nous donne une copie de ce qu'a dû être le Magnus Liber Organis. C'était le grand livre qui était placé les jours de grandes fêtes sur un lutrin dans le cœur de la cathédrale de Paris. C'est un témoignage qui est donné par cet anonyme 4. C'est un témoignage très important parce que c'est la première mention du lutrin qui va être un objet essentiel dans le culte catholique jusqu'à la réforme de Pie X en 1903. Le lutrin va être au centre de l'action liturgique des chantres. Et puis, un grand livre qu'on met sur le lutrin, là aussi, c'est quelque chose de tout à fait nouveau parce que jusqu'à cette époque, donc là on a la fin du XIIe siècle, on chantait par cœur, le livre n'était pas lu pendant la liturgie, le livre servait à se remémorer les choses et on chantait par cœur dans la liturgie. Et là on voit que au cours du XIIe siècle, à la fin du XIIe siècle, dans certains endroits, on fait des grands livres qu'on pose sur des lutrins au milieu du chœur. C'est l'époque où apparaissent les stalles aussi, c'est l'époque où apparaissent les jubés, vous voyez, ça fait partie de tout un ensemble, c'est une autre manière, une autre conception de la liturgie, c'est une autre conception de l'organisation des espaces liturgiques à l'intérieur de l'église. En fait, toutes ces choses sont liées, ça serait beaucoup trop long d'entrer dans les détails, mais il est important de les évoquer pour bien comprendre que cette nouvelle pratique de polyphonie s'inscrit dans un rituel et dans une gestique, dans une manière de se comporter, une attitude par rapport au chant et à la musique. Et là, nous allons avoir des chantres en chape pour chanter la polyphonie qui sont devant un lutrin. Léonin, messe de la Nativité de la Vierge. La polyphonie est réservée aux grandes solennités. À Notre-Dame même, on chante en polyphonie pas plus d'une vingtaine de fois par an. Et l'organum à Notre-Dame a un sens spécifique. C'est une pièce qui est chantée avec le cantus, c'est-à-dire le chant monodique, qui est chanté à la basse, en valeur longue, avec une ornementation polyphonique, avec une deuxième voix. L'organum pourum est à deux voix. Et l'organum pourum intervient à des moments précis, alors déjà une vingtaine de fois dans l'année liturgique, et puis simplement à l'office de nuit, pour le dernier répond des matines, quand tu chantes en polyphonie, à la messe du jour, pour le graduel et l'alléluia, c'est-à-dire entre l'épître et l'évangile, et au deuxième vêpre, pour le benedicamus domino. Donc, vous voyez, c'est des endroits bien précis. La polyphonie est une pratique rituelle et ritualisée. Sinon, l'essentiel du chant est fait en monodie. Lorsqu'on essaie maintenant, pour donner une petite idée aux auditeurs de cette musique, lorsqu'on essaie de reconstituer ces polyphonies, il est important de refaire le cadre monodique aussi, parce que la polyphonie ne prend son sens que dans le cadre de la monodie. les pièces de l'école de Notre-Dame que nous avons entendues ce soir, pièces de Léonin, de Perrotin ou pièces anonymes, étaient interprétées par l'ensemble Theatre of Voices dirigé par Paul Hillier. Quant à la messe de la Nativité de la Vierge de Léonin que nous écoutons, elle est chantée par l'ensemble Organum et Marcel Pérez.